Bonjour, je suis le docteur Aimé Bonaparte, je suis réveillologue. Et je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte des véritables acteurs de votre réveil matinal. Bonjour. Nous sommes les amis du matin. Et pour te réveiller, on imite le bruit des oiseaux qui chantent. Les oiseaux qui chantent. Amis du matin, parez. Amis du matin, imitez. Bonjour. Nous sommes les amis du matin. Et pour te réveiller, on imite le bruit du soleil qui se lève. Amis du matin, parez. Amis du matin, imitez. Réveillez-vous. C'est bon. Réveillez-vous. Chut. Bonjour. On est les amis du matin. Et pour te réveiller, on imite le bruit du radio réveil. Amis du matin, parez. Amis du matin, imitez. Bonjour. Vous êtes bien sur le 92 FM, à l'écoute de Prune. C'est y a plus d'eau chaude. Et tout de suite, on va réveiller le pervers de la bande FM, Aimé Bonaparte. Allô, as-tu un message de paix et d'amour à délivrer à tous nos auditeurs du monde entier? Chut. Bonjour. On est les amis du matin. Et pour te réveiller, on imite le bruit de la douche. Douche. Amis du matin, parez. Amis du matin, imitez. On est les amis du matin. Et pour te réveiller, on imite le bruit de se gratter le cul. Amis du matin, parez. Amis du matin, imitez. Oh, c'est bien ça.